Elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup de l'amant dans le placard. Elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup, elle me l'a fait le coup. Elle me dit, tu n'es pas sérieux, franchement. Tu te fous de moi, et quand je suis sérieux, franchement. Ça ne va pas. Alors elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup. Tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas noir ou blanc. Et pourtant c'est ce qu'on est, noir et blanc, blanc et noir. Oh, elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup. Changer moi, tu voudrais me changer toi. Je ne veux pas te changer toi, je ne veux pas te changer moi. Tout ce que tu voudrais, je ne peux pas. Tout ce que tu voulais, tu ne le voulais pas. Tu ne le veux pas. Il y a bien des choses, il y a bien des choses qui ne changeront pas, qui disparaîtront de moi, de soi. Oh, elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup, oh, elle m'a fait le coup. Je fais ce que je peux, je fais ce que je fais pour toi. Ce que je peux, je fais pour toi, ce que je fais pour toi. Je fais ce que je peux pour toi, je fais ce que je peux. Je peux ce que je fais pour toi. Il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de temps à se perdre dans les détails, dans tout ça. Il n'y a pas à perdre son temps, il n'y a pas à perdre son temps. Elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup. C'est cuit entre nous. Ah, détestons-nous, faisons-nous la gueule encore, encore, encore, encore. Alors, elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup, oh, elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup. L'amant dans le placard. Oh, elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup, elle m'a fait le coup, oh, elle m'a fait le coup.